Je vais tous les prendre même en 4-4-5. Je vais les faire glisser, je suis un 4-4-5. Resserre-moi du bizarre pour un verre d'absinthe. Toi la meuf elle est bizarre et qu'elle me fait la feinte. Dealer fait voir la frapper dans ses mains. C'est pas du Kinder Bueno. J'y casse nous, rien que tu casses des dos. J'y casse nous, je leur réponds pas besoin parce que j'y casse nous. Depuis que je suis arrivé, dites-moi la concurrence est passée où. Moi je porte mes couilles dans mon sac de kilo. Un deck à toi, on est juste à déco. On va te faire regretter tous tes mots. Tu nous as pris pour qui? Pour les putes à déco. Et oui c'est la merde, ton équipe cherche. Coupé à la main, allez ramène. Qui tu veux, je le vois la frappe à la main. Faut payer les factures, c'est pour ça que je fracture. J'ai reçu la lettre, il va nous lever les meubles. Je m'endors, je suis pas sûr, le réveil est perdu. On peut juste devant la porte, ils ont réveillé l'immeuble. Mets les kilos dans le sac. Mets les kilos dans le sac. Mets les kilos dans le sac. Camou, mets les kilos dans le sac. Mets les kilos dans le sac. Mets les kilos dans le sac. Mets les kilos dans le sac. Faites mettre. Mets les kilos dans le